Pardon, madame, j'arrive. Je suis à la pharmacie et c'est pourquoi que ma voiture était mal garée. Oui, madame, on se calme, mais je crois que votre voiture a été mal garée pendant 10 minutes. Ce n'est pas possible, je suis arrivée très tôt. Je suis désolée, mais je vais vous dresser une contravention. Non, s'il vous plaît, je suis au chômage et je ne peux pas la payer. Ce n'est pas un drame. Vous pouvez payer la contravention le mois prochain. De plus, la contravention est de 15 euros seulement. Oui, elle n'est pas chère, mais je n'ai pas d'argent. La prochaine fois, vous garez votre voiture dans un bon lieu. Au revoir, madame. Au revoir.